si bien le cosa, tu sais vraiment au fond de moi. Je dis je t'aime, l'amour pour moi, c'est beaucoup plus que moi. Je t'aime pour ton sourire, pour tous ces gestes qui sont pour moi. De tes caresses, l'amour pour moi, c'est tout ça à la fois. Je t'aime à ma façon. Aucun mensonge, ni qu'on le fait. L'amour pour moi, c'est beaucoup plus que moi. Je t'aime au-delà des mots. Comme un enfant, on s'aimera tant. L'amour pour moi, c'est tout ça à la fois. Je t'aime, si bien comme ça. Au fond de moi, ne me demande pas de dire je t'aime, l'amour pour moi.